Je vais, en l'espace du temps qui m'est imparti, essayer de retracer en quoi les liens entre l'impératrice Zita et la France ont été centraux dans la vie de cette femme. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que l'impératrice Zita, dernière impératrice d'Autriche et reine de Hongrie, est morte en 1989 à 97 ans. Si bien que paradoxalement, nous sommes tous dans cette salle, nous avons tous été les contemporains d'une impératrice d'Autriche, alors que l'Empire d'Autriche a disparu en 1918. La France et le lien avec la France a été central dans la vie de cette femme et à travers toutes les phases de sa vie, qu'on pourrait résumer en quatre phases, qui sont ceux la vie de toute femme ou de la plupart des femmes, jeune fille, épouse, mère, grand-mère. Jeune fille, l'impératrice naît en 1892, la future impératrice naît en 1892 au sein de la famille de Parme, de Bourbon-Parme. Elle est la fille du duc de Parme, du dernier duc régnant de Parme, dont elle est le 17e enfant. Le duc de Parme aura eu 24 enfants en deux mariages, certains enfants étant morts en très bas âge. Mais donc, elle est la fille de... son père et de la deuxième épouse de son père, Maria Antonia de Bragance, famille du Portugal, famille détrônée d'ailleurs et exilée. La princesse Zita naît en Toscane parce que la famille de Bourbon-Parme vit la moitié de l'année en Toscane, à Pianore, près de Lucca, et le reste du temps en Autriche, à Schwarzau. Les Bourbon-Parme, en effet, à travers une généalogie compliquée que je ne vais pas résumer ici, ont régné sur le duché de Parme, en ont été détrônés en 1859, au moment de l'unité italienne, lorsque donc le duché de Parme a été annexé par le Piémont-Sardaigne à ce qui deviendra plus tard le royaume d'Italie. La famille vit donc en exil. C'est une famille donc qui vit la moitié de l'année en Toscane. Elle n'a pas de prétention italienne, pas de prétention monarchique en Italie. Donc la famille d'Italie, la famille de Savoie, laisse les Parmes circuler librement en Italie. L'autre moitié de l'année en Autriche, où l'empereur François Joseph avait accueilli la famille de Parme en exil. Et puis il y a d'autres résidences, le château de Wartegg en Suisse, et aussi le château de Chambord. Chambord était une propriété familiale de la famille de Parme. Le duc de Parme avait hérité le château de Chambord de son oncle, le comte de Chambord, dernier Bourbon français. Et le château de Chambord est resté légalement, juridiquement, propriété de la famille de Parme jusqu'en 1918. Il y a eu ensuite un procès assez compliqué entre les différents frères de l'impératrice ou demi-frère et l'État français pour la propriété de cet État, de ce château, pardon, que ce domaine même, que l'État français a fini par nationaliser en quelque sorte. Mais donc, l'impératrice naît dans une famille d'ascendance française. D'ascendance française, c'est une Bourbon. Son père donc a été le dernier duc régnant de Parme. Il descend de Philippe V, du fils cadet de Philippe V, petit-fils de Louis XIV. C'est donc une famille d'ascendance française. Je dis d'ascendance et de culture française, mais attention, ça n'est pas une famille française. C'est tout un débat assez compliqué qui a d'ailleurs occupé les juristes, qui était de déterminer quelle était la nationalité de la famille de Parme. En fait, les Parmes, au début du XXe siècle, ont une nationalité qui, au regard des règles du droit international, est assez indéfinie. Ils ne sont pas italiens. Ils n'ont pas la nationalité italienne, qui n'aura pas été donnée par l'État italien. Ils ne sont pas non plus autrichiens. Ils ne sont pas non plus français, au sens du droit international. Au sens du droit français, ils n'ont pas la nationalité française. Et ni le duc de Parme, ni ses enfants, et aucun des frères de l'impératrice Zita, plus tard, n'aura la nationalité française. En fait, c'est une famille qui, au fond, s'est constituée a vécu et a continué à vivre selon des règles qui étaient des règles, je dirais presque d'ancien régime, mais dans le temps moderne. Les règles de nationalité dans les États européens se sont constituées de façon, selon le sens moderne, se sont constituées au XIXe siècle. Et au fond, les Parmes qui étaient des exilés ont continué à vivre dans un statut qui était une sorte de statut international, qui était au fond un statut du XVIIIe siècle, un statut presque d'ancien régime. Mais la culture est française. Le français est une des langues maternelles, une des deux langues maternelles de l'impératrice Zita. Sa deuxième langue maternelle était l'allemand, mais la famille se mouvait quotidiennement dans ces deux langues, l'allemand et le français. Et en plus, on parlait évidemment italien, espagnol, anglais, etc. Une grande facilité. Zita naît donc dans un environnement qui est un environnement bourbon. Il y a dans les châteaux familiaux, il y a partout des portraits des rois de France, des portraits des Bourbons d'Espagne, des Bourbons des Bourbons Sicile qui sont des cousins. Il y a un environnement bourbon qui la marque très profondément. Elle est donc élevée dans cette optique-là. Mais c'est une famille d'exilés. C'est une famille d'exilés. C'est une famille d'exilés qui a affronté en quelque sorte la modernité et qui a perdu ses pouvoirs temporels dans le choc avec la modernité. C'est donc une famille anti-moderne au sens de la modernité des idées politiques. C'est une famille où on cultive les idées contre-révolutionnaires, on est monarchiste. On est catholique, mais on est catholique au sens du XIXe siècle, avec un ultramontanisme, on pourrait dire, une proximité avec la papauté extrêmement forte. On n'aime pas la Révolution, on n'aime pas la Révolution française. Et si on aime la France, c'est la France d'Ancien Régime, en quelque sorte. Donc l'impératrice Zita a été marquée par ces idées qui ont été celles de son milieu naturel, de son éducation. Et quand on lit les pièces, les documents, les sources sur sa jeunesse, le montre bien. Elle est élevée dans cette perspective qui va évoluer plus tard, je vais le dire dans un instant. Son imprégnation française, même si elle a été au collège en Bavière, se poursuivra dans son enfance, puisqu'elle fera quelques mois d'études chez les bénédictines de Solesmes, congrégation de Solesmes, qui avait été exilé par les lois anticongréganistes de la Troisième République. Les bénédictines de Solesmes, comme la plupart des congrégations françaises, ont dû quitter la France dans les années 1902, 3, 4. Et Solesmes s'était réfugié dans l'île de Wight, en Angleterre. Et là, la future impératrice, a suivi une scolarité, un temps de scolarité qui était évidemment en français et au milieu de religieuses françaises. Ça, c'est la jeune fille, l'épouse. En 1911, donc, l'impératrice Zita va épouser l'archiduc Charles, petit-neveu de l'empereur, François-Joseph. Ce petit-neveu, vous le savez, en 1914, après l'assassinat de François Ferdinand, devient l'archiduc héritier du trône. Pour l'impératrice Zita, 1914 est un déchirement à de multiples titres. C'est d'abord un déchirement familial. Ses frères, les princes de Parme, ceux qui sont en état de porter les armes, font des choix différents. Deux de ses frères, les princes X et Xavier, par fidélité à leurs ancêtres français, vont décider de servir du côté allié. Ils essaieront de se faire engager dans l'armée française, n'y parviendront pas d'une part en raison de la loi de 1889 excluant les Bourbons descendants de l'armée française. Et puis le fait qu'ils ne possédaient pas la nationalité française a aussi joué un rôle. On oublie de le dire. Ils seront ensuite dans l'armée britannique, n'y parviendront pas non plus, et finalement parviendront à se faire enrôler dans l'armée belge, et donc serviront pendant toute la guerre comme dans un régiment d'artillerie dans l'armée belge. Les autres frères de l'impératrice, par loyauté envers le pays qui a accueilli leur famille exilée, ont choisi de servir dans l'armée impériale austro-hongroise. Donc trois des frères de l'impératrice Zita, quatre si on compte un demi-frère, vont être officiers dans l'armée austro-hongroise et deux de ses frères dans l'armée alliée. Il y a donc un déchirement familial qui est extrêmement fort. Et puis il y a un déchirement sentimental parce que l'impératrice en tant qu'épouse est évidemment extrêmement loyale envers son mari et elle est devenue autrichienne par son mariage. Elle a la nationalité autrichienne qu'elle possédera jusqu'à la fin de sa vie. Mais son ascendance française est extrêmement forte et il y a donc un déchirement dans cette guerre qu'elle vit comme quelque chose de fratricide, à titre personnel, à titre familial, mais aussi à titre politique. Les liens de l'impératrice avec ses frères servant dans l'armée belge vont se poursuivre pendant toute la guerre et même bien avant les négociations de 1917. Il y a des contacts entre eux. Ces contacts, il est évident que pour la femme de l'archiduc héritier de correspondre avec des frères ne se fait pas par la poste. On ne correspond pas en temps de guerre avec des officiers d'une armée ennemie, objectivement. Donc il y a eu des complicités par la valise diplomatique. Ces complicités sont passées en partie par la famille royale de Belgique, en partie par le Vatican. Mais il y a eu une correspondance qui n'a pas cessé entre l'impératrice et ses frères, les princes Xavier, à partir de 1914. Dans le journal de Xavier de Bourbon-Parme, à la date du 8 août 1915, on en a un témoignage qui est un témoignage intéressant. Le prince écrit « Par voie détournée, nous recevons une lettre de l'archiduchesse Zita dans laquelle elle nous demande des nouvelles de la cathédrale de Reims. » Elle est intervenue plusieurs fois par l'entremise de Charles au grand quartier général allemand pour tâcher de sauver la cathédrale. Vous savez que les Allemands avaient bombardé la cathédrale de Reims et qu'à l'époque, ce crime patrimonial avait soulevé une immense émotion en France et d'ailleurs a été largement utilisé par la propagande de guerre française contre les Allemands. En 1916, à la mort de François-Joseph, donc l'archiduc Charles devient l'empereur Charles, Zita devient impératrice d'Autriche. Et elle va jouer un rôle dans les négociations sixtes, les négociations de paix qui viennent d'être évoquées à l'instant. Alors son rôle, attention, doit bien être évalué. C'est une femme, l'impératrice Zita était une femme qui avait une grande passion pour la politique. Nous n'en avons que des traces limitées et les sources ne permettent, sur un plan strictement historique, ne permettent que d'en établir que des traces, pas plus que des traces. L'impératrice d'Autriche n'avait pas de pouvoir constitutionnel. Mais enfin, nous savons que c'était une femme passionnée par la politique. Et elle a beaucoup échangé avec son mari dans l'intimité de leur foyer sur la politique. Ils ont beaucoup parlé politique, même si l'impératrice n'avait pas de rôle officiel. Il est évident que son déchirement personnel vis-à-vis de la guerre a joué un rôle sur l'empereur. Maintenant, nous en avons aussi des signes. Ça a été d'ailleurs brièvement dit par Madame Demerlé de façon intéressante. D'ores et déjà, avant la guerre, avant 1914, Charles avait une vision, je dirais, géopolitique, qui concordait avec celles, les discussions d'ailleurs qu'il avait avec ses beaux-frères, les princes Six et Xavier, qui était que l'Autriche devait rééquilibrer. L'Autriche, je ne vous l'apprends pas, était alliée avec l'Allemagne depuis 1889. Charles développait une vision géopolitique qu'il ne quittera jamais, qui était que l'Autriche devrait rééquilibrer ses alliances et resserrer ce qui la rapprochait de la France, ou ce qui l'avait éloigné plus exactement de la France. Cette idée fondamentale ne veut pas quitter Charles et il l'exprime d'ailleurs très très clairement dans une lettre au comte Czernin que nous avons évoquée ici, une lettre du 14 mai 1917. Charles dit très clairement qu'après la guerre qui est en train de se dérouler, dont évidemment il ne sait pas comment tout ça va se terminer, il n'imagine pas qu'il ne régnera plus, mais il dit « il faudra nouer une alliance avec la France ». Il le dit à son premier ministre, à son ministre des Affaires étrangères, pardon, ce qui est assez sidérant quand on pense qu'on est en pleine guerre. Ça montre la profondeur de sa vision et qui suppose au fond véritablement une sorte de retournement des alliances. Alors que Charles est en guerre officiellement contre la France, eh bien au fond sa vision est celle, au contraire, d'un retournement des alliances et d'une alliance avec la France. Mais on sait que l'histoire ne va pas le lui permettre et que l'histoire va s'écrire autrement. Alors dans les négociations, l'impératrice ne joue pas un rôle direct, elle joue un rôle sûrement indirect, ne fût-ce que sur un plan qui est, presque anecdotique, mais au fond qui est important. On sait que l'empereur Charles maniait bien le français, mais de son propre aveu, son vocabulaire était insuffisant et c'est une langue qu'il ne pratiquait pas assez. Or, nous avons deux lettres importantes qui ont été écrites par l'empereur Charles dans l'année 1917, des lettres à Poincaré, où il expose sa vision géopolitique. Ce sont des lettres qui sont des témoignages. Or, ces lettres sont écrites dans un... Il y a toute une histoire. Ces lettres ont elles-mêmes une histoire, puisque nous possédons près d'une vingtaine de brouillons de ces lettres, de ces fameuses lettres. Mais elles sont toutes, in fine, la version finale est dans un français parfait. Or, nous savons exactement comment elles ont été rédigées. Elles ont été rédigées vraiment personnellement par Charles. Donc, ce français parfait, en réalité, c'est celui de Zita. Il est évident que l'impératrice a dû tenir la main, si je puis dire, de son mari au moment où il a écrit ses lettres. Là, l'hostilité, je ne vais pas développer cela, mais l'échec des négociations sixtes, et donc, d'abord, ces négociations, évidemment, ont été permises par le fait que les princes Sixte et Xavier étaient les beaux-frères de l'empereur Charles, donc ça lui a donné une ouverture dans le monde officiel français. C'est aussi, ça a été paradoxalement aussi un frein. Et ça, je pense que Charles ne l'a pas senti, et je pense que l'impératrice Zita elle-même ne l'a pas senti à l'époque. Les princes Sixte et Xavier, c'est vrai, avaient des ouvertures dans le monde politique français, mais c'était des ouvertures dans un monde, je dirais, limité. Il ne faut pas oublier que la Troisième République, depuis 1879, a eu pour ciment l'anticléricalisme. L'anticléricalisme a servi de ciment aux gauches françaises qui ont eu le pouvoir en France pratiquement jusqu'en 1939, avec quelques exceptions. Mais il y avait un aspect très militant dans la classe politique, dans la classe de la Troisième République. Et donc, l'union sacrée elle-même, qui avait été proclamée en 1914, a été une union sacrée assez limitée, enfin, je veux dire, importante, mais qui avait mis peut-être de côté l'anticléricalisme, mais sans pour autant l'absoudre complètement. D'ailleurs, le premier cabinet d'union sacrée, il n'y a aucun ministre catholique, puisque Viviani, le président du Conseil de 1914, s'y était opposé. Le seul ministre catholique qui fera partie donc d'un gouvernement français, ça sera Denis Cochin, mais en 1917, à la suite d'une crise interne, les jeux politiques internes à la Troisième République reprenant malgré la guerre, il sera obligé de quitter le gouvernement. Il aura été ministre un petit peu moins de 2 ans. Donc, je veux dire par là que les princes Sixte Xavier ont en effet des contacts dans la classe politique française, mais ce sont les contacts avec des gens qui sont, je dirais, la partie la plus conservatrice du milieu politique, et donc qui sont en réalité en situation un petit peu de minorité et en situation assiégée en quelque sorte. Donc c'est une limite. Et la qualité de prince des princes de Parme, on le verra bien, on le voit chez Alexandre Ribaud, joue beaucoup. Il ne se sent pas en assad de ce document. Il n'a pas envie de dénégocier avec les princes de Parme, d'abord parce que ce sont des princes, ensuite parce que ce sont des Bourbons. Le facteur idéologique joue un rôle. Il ne faut pas le surestimer non plus. C'est évident que là, le facteur géopolitique, il a été évoqué tout à l'heure, la question de l'alliance avec l'Allemagne, la question de l'opposition de l'Italie sont plus importantes, mais l'historien ne peut pas ne pas mentionner cette dimension-là. Après, en 1918, après que Clémenceau a révélé ces négociations qui ont eu lieu un an plus tôt, donc au moment de la polémique avec Tchernine, se développera en Autriche même une violente campagne antidynastique menée par les milieux germanophiles, menée très certainement, il y aurait un travail d'historien fin à faire sur les archives sur ce point-là, sûrement avec la complicité de l'ambassade d'Allemagne en Autriche, qui a dû arroser quelques journaux, comme à l'époque ça se faisait beaucoup. Une campagne de haine contre la dynastie, mais comme l'empereur était quand même intouchable, c'est l'impératrice en quelque sorte qui a servi de fusible. Et donc il y a toute une campagne contre l'impératrice qui est qualifiée soit d'italienne, soit de française. Ce qui, dans l'ambiance d'hyper-nationalisme et de haine belliciste qu'on trouve dans les deux camps pendant la Grande Guerre, est évidemment très fort. Et donc, l'impératrice, à l'époque, a beaucoup souffert de cette campagne qui avait l'air donc de la rejeter d'un pays qu'elle avait pourtant abordé. J'ai dit qu'évidemment qu'elle était d'origine française, mais elle s'est sentie, elle est devenue autrichienne, elle l'aura toujours été totalement de cœur. Elle aura épousé non seulement son mari, mais je dirais l'histoire de la famille de son mari. Voilà pour l'épouse. En 1918, les Habsbourg sont détrônés. Voici le temps de la mère. L'impératrice Zita est mère, les Habsbourg sont détrônés. De 1919 à 1921, l'exil en Suisse. Il y a la tentative de restauration en Hongrie, on l'a dit, en 1921, les deux tentatives, celle de Pâques et celle d'octobre, l'exil à Madère, le 1er avril 1922, la mort de l'empereur Charles, et donc l'impératrice se retrouve à 30 ans, veuve, enceinte de son huitième enfant, qui ne connaîtra jamais son père, et totalement démunie de ressources. L'impératrice s'installe d'abord en Espagne, très brièvement. Elle va mettre au monde sa petite fille, l'archiduchesse Elisabeth. Et puis s'installera ensuite, ne voulant pas dépendre, même si Alphonse XIII lui avait proposé de l'accueillir. Elle jugeait à partir de ce moment-là, elle se considère comme la régente de la maison de Habsbourg, en attendant la majorité de son fils Otto. Et la famille s'installe, l'impératrice disait, ne voulait pas considérer que la maison d'Autriche ne devait pas dépendre de la charité de la famille royale d'Espagne. Donc elle remercie son cousin Alphonse XIII, c'est un cousin lointain, mais c'est un cousin de l'accueil qu'il veut lui accorder. Mais elle se réfugie, elle se trouve dans une grande maison au Pays Basque espagnol, recevant l'aide qu'elle acceptait, pour le coup l'aide financière, de grandes familles austro-hongroises qui discrètement s'étaient cotisées pour aider la famille impériale qui n'avait pas de ressources. À partir de ce moment-là, l'impératrice est mère, elle élève ses enfants, elle se considère comme la régente de la maison d'Autriche, et elle élève ses enfants. Elle élève son fils aîné, Otto, pour le trône. Indéniablement, la perspective est monarchique. Même s'il n'y a pas à court terme de perspective de restauration, mais l'archiduc Otto a été élevé dans cette perspective et il est pour ses fidèles, pour sa mère, il est l'empereur. Il l'est de droit, il l'est de fait, il l'est titulairement, même si cet empereur, enfant, enlève ses souliers à la maison pour ne pas les user parce que on n'avait pas d'argent. L'archiduc Otto a raconté cette histoire. Cela dit, et c'est là où il y a une transformation très intéressante, et je ne vais pas déborder de mon sujet, mais il faudrait parler de l'archiduc Otto, si on en a parlé ici, sans doute on en reparlera, mais il doit beaucoup à sa mère. L'impératrice, je dis, dans son enfance, a été au fond baignée dans une ambiance contre-révolutionnaire, vieille Europe, vieille France, l'ancien monde en quelque sorte. Et avec beaucoup d'intelligence, elle a compris que ce monde-là a disparu et elle a compris que ce monde ne reviendrait plus. C'est-à-dire qu'avec beaucoup d'intelligence, tout en étant fidèle à ce qu'elle était, au principe qu'elle incarnait, auquel elle ne ressemblera jamais, eh bien, elle élèvera ses enfants dans l'esprit que, au fond, je dirais qu'elle ne voulait pas refaire l'histoire du comte de Chambord, dont elle considérait que ça avait été un échec. Et elle disait, il faut être élevé dans le monde, il faut connaître le monde, il faut être dans le monde tel qu'il est. L'ancien monde ne reviendra pas. Il y a une phrase qui a été rapportée, qui est intéressante. Je n'en donne qu'une toute petite phrase par le capitaine Werkman. Le capitaine Werkman était l'attaché de presse, on va dire, de l'empereur Charles, à la fois pendant le règne et il l'a suivi en exil en Suisse. Et dans un livre très intéressant de témoignages qu'il a publié après la mort de l'empereur, Werkman, c'est une déclaration qu'a faite l'impératrice à la fin des années 20. Et elle lui a dit « L'histoire ne se refait pas, c'est ce que je dois enseigner à Otto. Toute révolution crée une situation qu'on ne peut ignorer. Si on veut, disait-elle, poursuivait-elle, si on veut restaurer l'ancien monde, on va créer d'autres injustices et créer d'autres frustrations qui ne résoudront rien. » Il y a donc c'est très important parce que, au fond, l'archiduc Otto a été élevé pour le trône, mais avec cette idée d'un monde qui a totalement changé. C'est-à-dire que ses perspectives et sa perspective politique, qui d'ailleurs évoluera des années 30 aux années 60, 70, 80, mais sera celle d'un prince qui assume le fait d'être prince, mais qui est un homme de son temps et qui ne croit plus qu'on refera l'ancien monde. Et ça, c'est un enseignement de sa mère. Alors ça a une incidence, je dirais, dans une perspective française, parce que l'archiduc Otto, on le sait, était francophone, francophile, et qu'il a beaucoup dû à sa mère. L'enseignement qu'il a reçu de sa mère lui a pris la place de la France dans l'histoire de leur famille. L'archiduc Otto a été proche, tout jeune homme, de ses oncles, très proche de ses oncles, les princes Sixte et Xavier, qui vivaient en France, qui, je l'ai dit tout à l'heure, n'avaient pas de nationalité française, mais étaient des princes de Bourbon et vivaient en France, avaient des propriétés en France, y vivaient et se sentaient extrêmement français. Et donc, ça a beaucoup compté c'est encore un apport de l'archiduc. En 1929, l'impératrice fait le choix d'aller vivre en Belgique, parce que la Belgique est un pays francophone, parce que ses enfants, les aînés de ses enfants, sont en âge de faire des études, et donc des études universitaires, et donc l'archiduc Otto va être inscrit ainsi à l'université de Louvain. Ses frères cadets, ses sœurs les suivront dans des études qui vont toutes se faire dans ce cadre francophone de la Belgique. En 1930, l'archiduc Otto accède à sa majorité politique. À partir de ce moment-là, l'impératrice ne joue plus officiellement de rôle politique. On sait qu'elle a dû beaucoup parler avec son fils, surtout quand il, dans ces années où il était encore jeune, mais il y a une part de secret ou une part qui est détenue dans les archives. Il y a une forme de discrétion. L'impératrice s'est effacée de devant son fils. Son fils, qui dans les années de l'immédiate après-guerre, avant l'Anschluss, fait de la France la base de son combat contre l'Anschluss pour l'indépendance de l'Autriche. L'archiduc Otto vivait la plupart du temps à Paris, Paris où il y avait un milieu d'émigrés autrichiens qui vivra ensuite après l'Anschluss. Une grande figure de ce milieu monarchiste d'ailleurs est l'écrivain Joseph Roth. Vous savez, la marche de Radetzky, le crible des Capucins, grand écrivain, très grand écrivain. Et il y avait même un petit journal des monarchistes autrichiens en exil à Paris, édité à Paris. Donc, voilà, une présence, là encore, donc présence de la France dans la famille et avec la complicité de l'impératrice. Nous arrivons à la dernière phase de la vie de l'impératrice. En 1940, la famille impériale fuit en Amérique, fuyant après au moment de l'invasion de l'Europe par les Allemands. L'impératrice jouera exceptionnellement un rôle politique un jour, officiel en tout cas, où son fils Otto avait rendez-vous avec le président Roosevelt, c'était en 1943. Vous savez qu'Otto a mené tout un combat pendant la guerre pour obtenir la reconnaissance, obtenir que les Alliés inscrivent le rétablissement d'une Autriche indépendante parmi leurs buts de guerre. Et un jour où l'archiduc Otto avait rendez-vous avec le président Roosevelt, il se trouve qu'il était terrassé par une grippe et avoir une audience avec le président américain, ça ne se rate pas. Et donc il avait prié sa mère de bien vouloir le représenter et de tenir elle-même cette audience. Et donc l'impératrice Zita a eu une conversation politique avec Roosevelt un jour de 1943. C'est la dernière fois, c'est son dernier rôle politique officiel. Ensuite, elle séjournera, donc restera en Amérique du Nord, mais au Québec. Québec, c'est-à-dire encore la langue française. De 1940 à 1948. Fin de la guerre, la loi d'exil est maintenue pour les Habsbourg par la Deuxième République d'Autriche. Les archiducs, peu à peu, vont se marier, s'établir dans leur vie d'homme. Il est intéressant de noter que sur 7 des enfants de l'impératrice qui se sont mariés, 4 se sont mariés en France. L'impératrice elle-même reviendra en Europe en 1953. Elle fera à ce moment-là, elle n'a pas un domicile fixe en quelque sorte. Elle va vivre chez ses enfants pendant très longtemps, parfois au Luxembourg, quand sa mère vivait encore, chez ses enfants. Elle a fait de très nombreux séjours en France, notamment chez son frère, le prince Xavier, au château Lignières, qui est dans le Cher, et de très nombreux séjours à Solèmes, abbaye bénédictine, abbaye d'hommes et abbaye de femmes. L'impératrice avait un lien très fort avec l'abbaye Sainte-Cécile, abbaye bénédictine de Solèmes, où l'impératrice vivait 2 mois par an. On sait, je ne sors pas du champ de l'histoire en disant cela, qu'elle a pensé à un moment entrer en religion. Elle ne l'a pas obtenu des autorités religieuses, mais elle a obtenu un indulte qui lui permettait de vivre 2 mois par an dans la clôture, sans ayant prononcé de vœux, dans la clôture bénédictine, sans ayant prononcé de vœux, mais en vivant comme une religieuse, c'est-à-dire en suivant les offices et en vivant absolument au même rythme que les religieuses. Pendant 20 ans à peu près, c'est-à-dire toutes les années 1950-1960, l'impératrice Zita a vécu 2 mois par an dans la clôture, humblement, modestement, discrètement, soit à Solèmes, soit à Kergonan, qui est une des filiales de Solèmes, qui est une abbaye bénédictine située dans le Morbihan. Cette présence a laissé des traces, parce que il y a beaucoup de familles françaises, des familles proches de ces milieux, de ces monastères, qui un jour se souviennent d'avoir vu un jour l'impératrice Zita, toute modestement vécue de noir, et en ont gardé la mémoire. Le dernier point, je ne sors toujours pas du champ de l'histoire, mais c'est intéressant de le signaler. L'impératrice Zita est l'objet d'un procès de béatification. Son mari, l'empereur Charles, a été béatifié par le pape Jean-Paul II en 2004. Un procès de béatification autour de l'impératrice s'est ouvert dans l'Église catholique en 2008. Je ne sors pas du champ de l'histoire. Hein. L'histoire n'a pas pour vocation à arpenter les champs du surnaturel. Mais il est intéressant de voir, l'historien ne peut pas ne pas s'interroger sur le fait que il est intéressant de voir que vous savez que dans l'Église catholique, les procès de béatification, il y a 2 phases. Une phase dans un diocèse, et ensuite, 2e phase, le dossier part pour Rome. Il y a un 2e procès, en quelque sorte. Or, la première phase du procès de l'impératrice Zita a lieu en France. En France, en l'occurrence, dans le diocèse du Mans, parce que le diocèse du Mans abrite l'abbaye de Solèmes et que l'abbaye de Solèmes a apporté son soutien à la défense de cette cause. Il y a donc là une sorte de, encore une fois, je ne sors pas du champ de l'histoire, mais une sorte de rayonnement qui est intéressant à observer. Il est assez singulier au fond qu'une impératrice d'Autriche et reine de Hongrie, objet d'un procès de béatification, que ce procès se déroule actuellement en France. Un mot de conclusion, l'impératrice Zita aurait pu être une très grande figure. Elle est une très grande figure de l'histoire, à mon sens. Mais elle aurait pu être une beaucoup plus grande figure. Alors l'histoire, évidemment, ne s'écrit pas avec des si, mais songeons, évidemment. Si l'histoire avait été différente, nous aurions eu, en effet, je reviens ici à la grande histoire avant 1918, nous aurions eu à la tête de l'Autriche-Hongrie une souveraine d'origine et de culture française. L'histoire aurait pu, évidemment, s'écrire autrement. Il est intéressant de le souligner du point de vue de la très longue durée, du point de vue du thème général du colloque. Les liens entre la France et l'Habsbourg ont souvent été conflictuels. Je dirais que le temps de Charles Zita, au contraire, est un lien de rapprochement entre les deux nations. Je vous remercie.